Chapitre 11e de Dawson City à la frontière. Bill Steele avait donné un avis sage aux deux cousins leur conseillant de se hâter. Ils n'avaient pas un jour à perdre pour terminer leur affaire. Les froids arctiques viennent vite sous ces hautes latitudes. Le mois de juin était commencé, et vers la fin d'août, il arrive que les glaces encombrent de nouveaux lacs et criques, que neige et bourrasque emplissent de nouveau l'espace. 3 mois, la belle saison ne dure pas davantage au Klondike, et même, pour les deux cousins, convenait-il de retrancher le temps nécessaire au retour à Skagway par la région lacustre, ou, s'ils entendaient changer leur itinéraire, à la descente du Yukon de Dawson à Saint-Michel. Les préparatifs de Ben Radle et Sam Iskin étaient achevés. Ils ne manqueraient de rien, même si le séjour au Claim 129 se prolongeait au-delà de leurs prévisions. Au surplus, il ne s'agissait ni d'acquérir, ni d'emporter un matériel, puisque celui de Josias Lacoste se trouvait sur place, ni d'engager un personnel, puisqu'il n'était pas question d'exploiter le claim de Forty Miles Creek. Cependant, il était prudent d'avoir un guide connaissant bien le pays. Le scout ayant trouvé à Dawson City un autre de ses pilotes pour retourner au lac Lindemann, avait offert Neluto. Ben Radle l'accepta, en remerciant vivement Bill Steele. Il eût été difficile de faire un meilleur choix. On avait vu l'Indien à l'œuvre, et l'on savait pouvoir compter sur lui de toutes les manières, à la seule condition de ne pas en exiger des renseignements trop précis. Comme véhicule, Ben Radle choisit la carriole, de préférence au traîneau que les chiens ont l'habitude de tirer, même lorsque glace et neige ont disparu. Ces animaux étaient si chers à ce moment qu'on payait jusqu'à 1500 ou 2000 francs par tête. Cette carriole, à 2 places, pourvue d'une capote de cuir pouvant se relever ou se rabattre, assez solidement établie pour résister au chaos et au choc, fut attelée d'un cheval vigoureux. Il n'y avait pas à faire provision de fourrage, car en cette saison, les prairies se succédaient tout le long des routes, et dans ces conditions, un cheval parvient plus aisément à se nourrir qu'un attelage de chiens. À la prière de Ben Radle, Neluto examina la voiture avec le plus grand soin. Ce fut une inspection méticuleuse. Caisse, brancard, capote, ressort, tout y passa jusqu'au dernier boulon. Quand elle fut terminée, Neluto avait le visage satisfait. « Eh bien ?» interrogea Ben Radle. « Si elle ne casse pas en route, » affirma l'Indien du ton de la plus profonde conviction, « je pense qu'elle nous conduira jusqu'au claim 129. »« Un grand merci, mon brave !» s'écria Ben Radle sans chercher à réprimer une formidable envie de rire. Cependant, il parvint à obtenir du circonspect Neluto des indications utiles quant aux objets qu'il convenait d'emporter, et finalement, l'ingénieur peut être assuré que rien ne lui manquerait pour le voyage. Entre-temps, Sam Iskin s'amusait à flâner philosophiquement dans les rues de Dawson City. Il examinait les magasins, se rendait compte du prix des objets manufacturés. Combien il s'applaudissait d'avoir fait ses acquisitions chez les marchands de Montréal. Sais-tu, Ben, ce que coûte une paire de souliers dans la capitale du Klondike ? Dit-il à son cousin la veille du départ. Non, Sammy. De 50 à 90 francs, et une paire de bas, pas davantage. 10 francs, et des chaussettes de laine, mettons 20 francs. « Non, 25. Et des bretelles ?»« On peut s'en passer, Samy. »« Et l'on fait bien. 18 francs. »« Nous nous en passerons. »« Et des jarretières de femmes ?»« Cela m'est égal, Samy. »« 40 francs. Et 900 francs la robe qui vient de chez la bonne faiseuse. » Décidément, en ce pays invraisemblable, on a tout profit à rester célibataire. « Nous le resterons, » répondit Ben Radle, « à moins que tu n'aies l'intention d'épouser quelque opulente héritière. »« Elle ne manque point, Ben, les héritières. » et surtout les aventurières qui possèdent de riches claims sur la Bonanza ou l'Eldorado. Mais, parti garçon de Montréal, j'y rentrerai garçon. Ah, Montréal, Montréal, nous en sommes bien loin, Ben. La distance qui sépare Dawson City de Montréal, répondit Ben Radle, non sans une certaine ironie, est précisément égale à celle qui sépare Montréal de Dawson City, Sammy. Je m'en doute, répliqua Sammy Skin, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit courte. Les deux cousins ne voulurent pas quitter Dawson sans aller à l'hôpital dire adieu à Edith Edgerton. Aussitôt prévenue de leur visite, celle-ci descendit au parloir. Elle était à croquer dans son costume d'infirmière. À voir sa robe de bure grise et son tablier à bavette éclatant de blancheur qui tombait en plis d'une parfaite régularité, ses cheveux bien lissés que séparait une raie mathématique, ses mains blanches et soignées, on n'eût pas deviné la remarquable travailleuse si lyriquement décrite par le docteur Wilcox. « Eh bien, mademoiselle, lui demanda Ben Radle, vous plaisez-vous dans vos nouvelles fonctions ?»« On aime toujours le métier qui vous fait vivre, » répondit simplement Edith. « fit Ben Radle mal convaincu. « Enfin, vous êtes satisfaite, c'est l'essentiel. Quant au docteur Pilcox, il ne tarit pas d'éloge sur votre compte. Le docteur est trop bon, répondit la jeune infirmière. J'espère mieux faire avec le temps. Semi intervint. Et votre cousine, mademoiselle, en avez-vous des nouvelles? Aucune, déclara Edith. Ainsi, reprit Semi, elle a mis son projet à exécution. N'était-ce pas convenu? Mais qu'en espère-t-elle? S'écria Semi avec un soudain et inexplicable emportement. Que deviendra-t-elle si elle échoue? Comme cela est certain dans son entreprise insensée. Je serai toujours là pour la recueillir, répliqua tranquillement Edith. Au pis-aller, ce que je gagne suffira à nous faire vivre. Alors, objecta Semi, très excité, vous êtes donc décidé à vous fixer toutes deux au Klondike, à n'en plus sortir, à y prendre racine? En aucune façon, monsieur Skim, car si Jane réussit, c'est moi qui, dans ce cas, profiterai de son effort. Admirable combinaison. Vous vous décideriez donc à quitter Lawson? Pourquoi pas? J'aime le métier qui me fait vivre, mais du jour où je pourrais m'en passer, j'en cherche un autre plus agréable, bien entendu. Tout cela était débité d'une voix posée, avec une assurance qui désarmait la contradiction. À cette conception calme et modérée de la vie, il n'y avait rien à répliquer, et ce Meskim ne répliqua rien. Quand bien même, d'ailleurs, il aurait eu la velléité de faire entendre une dernière protestation, l'intervention du docteur Pilcox s'y fut opposée. Dès qu'il connut le prochain départ des deux cousins, le docteur se répandit en félicitations sur l'intéressant voyage qu'ils allaient entreprendre, et en fourchant son dada favori, se mit à vanter les beautés de son cher Klondike. Sam Eskim fit franchement la moue. Il n'aimait pas le Klondike, lui. Ah, mais non. Vous y viendrez, affirma le docteur. C'est seulement il vous était donné de le voir pendant l'hiver. J'espère bien ne pas avoir cette chance, docteur, dit Sammy en esquissant une grimace. Qui sait? Cette réponse du docteur, l'avenir dira si ce Meskim avait tort ou raison de ne pas la prendre au sérieux. Dès 5 heures du matin, le 8 de ce mois de juin, la carriole attendait devant la porte de Northern Hotel. Les provisions et le petit matériel de campement étaient en place. Le cheval piaffait entre les brancards, Nelluto trônait sur le siège. Le chargement est complet, Nelluto? Complet, monsieur. En route alors, commanda Ben Radle. Si on n'a laissé aucun paquet à l'hôtel, acheva l'Indien avec sa prudence accoutumée. Ben Radle étouffa un soupir résigné. Enfin, espérons que nous n'oublions rien, dit-il en montant en voiture. Et surtout que nous devons être de retour dans 2 mois à Montréal, ajouta Sammy avec l'obstination d'un leitmotiv. La distance entre Dawson City et la frontière est de 146 kilomètres. Le claim 129 de Forty Miles Creek touchant cette frontière, 3 jours allaient être nécessaires pour l'atteindre, à raison d'une douzaine de lieues par 24 heures. Nelluto organisa les étapes de manière à ne pas surmener le cheval. Il y en aurait 2 dans la journée. La première, de 6 heures du matin à 11 heures, suivie d'une halte de 2 heures. La seconde, d'une heure à 6, après laquelle le campement serait disposé pour la nuit. On ne pouvait aller plus vite à travers ce pays inégal. Chaque soir, on dresserait la tente à l'abri des arbres, si Ben Radle et son cousin ne trouvaient pas une chambre dans quelque auberge de la route. Les 2 premières étapes se firent dans des conditions favorables. Le temps était beau. Une brise légère poussait de l'est quelques nuages élevés, et la température se maintenait à une dizaine de degrés au-dessus de zéro. Le sol se soulevait en médiocres collines dont les plus hautes n'atteignaient pas 1000 pieds. Anémones, crocus, jeunes vièvres, dans toute leur floraison printanière, se multipliaient sur leurs pentes. Au creux des ravins, des arbres, épinettes, peupliers, bouleaux et pins se groupaient en profonds massifs. On avait dit à ce Meskim que le gibier ne ferait pas défaut sur la route, et même que les ours fréquentaient volontiers cette partie du Klondike. Ben Radle et lui n'avaient donc pas négligé d'emporter leur fusil de chasse, mais ils n'eurent point l'occasion de s'en servir. Au surplus, la contrée n'était pas déserte. On y rencontrait des mineurs employés au claim des montagnes, dont certains produisent jusqu'à 1000 francs par jour et par homme. Dans l'après-midi, la carriole atteignit Fort Reliance, bourgade très animée à cette époque. Fondée par la compagnie de la baie de Hudson pour l'exploitation des fourrures et sa défense contre les tribus indiennes, Fort Orleans, comme beaucoup d'établissements du même genre, n'a plus la destination d'autrefois. Depuis la découverte des mines d'or, la station militaire s'est transformée en entrepôt d'approvisionnement. Les 2 cousins firent à Fort Orleans la rencontre du major James Walsh, commissaire général des territoires du Yukon, en tournée d'inspection. C'était un homme d'une 50aine d'années, excellent administrateur, installé depuis 2 ans dans le district. Le gouverneur du Dominion l'y avait envoyé à l'époque où les gisements aurifères commençaient à être assiégés par ces milliers d'émigrants dont l'exode ne semblait pas devoir prendre fin de si tôt. La tâche était malaisée. Concessions sur lesquelles il fallait statuer, lotissement des claims, redevances à recouvrer, bon ordre à maintenir dans cette région que les Indiens ne laissaient pas envahir sans protestation et parfois sans résistance, 1000 difficultés surgissaient et renaissaient tous les jours. À ces ennuis courants, s'ajoutait aujourd'hui la contestation au sujet du 141e méridien, contestation qui rendait nécessaire un nouveau travail de triangulation. C'était précisément cette affaire qui motivait la présence du major James Walsh dans cette partie ouest du Klondike. « Qui a soulevé cette question, monsieur Walsh ?» demanda Van Radel. « Les Américains, » répondit le commissaire. « Ils prétendent que l'opération, faite à l'époque où l'Alaska appartenait encore à la Russie, n'a pas été conduite avec toute l'exactitude voulue. La frontière, représentée par le 141e degré, doit, suivant eux, être reportée à l'est, ce qui rendrait aux États-Unis la plupart des claims existants sur les affluents de la rive gauche du Yukon. Et par conséquent, ajouta Sam Eskim, le claim 129 qui vous vient par héritage de notre oncle Joseph Lacoste. Évidemment, messieurs, vous serez les premiers, le cas échéant, à changer de nationalité. Mais, reprit Sam Eskim, a-t-on des raisons de penser, monsieur Walsh, que le travail de rectification soit bientôt achevé ? Tout ce que je puis vous dire, déclara monsieur Walsh, c'est que la commission nommée ad hoc est à l'œuvre depuis plusieurs semaines. Nous espérons bien que la frontière entre les deux États sera définitivement déterminée avant l'hiver. Selon vous, monsieur Walsh, demanda Van Radel, y a-t-il lieu de croire qu'une erreur a été commise à l'origine et que la frontière doit être finalement déplacée ? Non, monsieur. D'après les informations qui me sont parvenues, cette affaire semble n'être qu'une mauvaise querelle cherchée au Dominion par quelques syndicats américains. Nous n'en serons pas moins forcés, dit Sam Eskim, de prolonger notre séjour au Klondike au-delà de nos désirs. Voilà qui n'est pas gai. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour activer le travail de la commission, affirma le commissaire général. Mais il faut avouer qu'il est parfois entravé par le mauvais vouloir de quelques propriétaires des claims voisins de la frontière, celui du 131 notamment. Un Texien du nom de Hunter, dit Van Radel. Précisément, vous en avez entendu parler. Dans la traversée de Vancouver, Skagway, mon cousin a été obligé d'entrer en rapport avec lui, et même un peu rudement peut-être. Dans ce cas, tenez-vous sur vos gardes. C'est un individu violent et brutal. Il est doublé d'un certain Malone, de même origine et qui ne vaut pas mieux que lui, dit-on. Ce Hunter, demanda Van Radel, est un de ceux qui ont réclamé la rectification du méridien, monsieur Walsh ? Oui, c'est même l'un des plus ardents. Quel intérêt y a-t-il ? Celui d'être un peu plus éloigné de la frontière, et d'échapper ainsi à la surveillance indirecte de nos agents. C'est lui qui a excité les propriétaires des gisements compris entre la rive gauche du Yukon et la frontière actuelle. Toute cette population interlope aimerait mieux dépendre de l'Alaska, beaucoup moins fortement administrée que le Dominion. Mais je vous le répète, je doute que les Américains aient gain de cause, et ce Hunter en sera pour ses pas et démarches. Toutefois, je vous conseille de nouveau d'avoir le minimum de rapport avec votre voisin, un aventurier de la pire espèce, dont ma police a déjà dû s'occuper plus d'une fois. Soyez sans crainte à cet égard, monsieur le commissaire, répondit Sam Eskim. Nous ne sommes pas venus au Klondike pour laver les bouts du 129, mais pour le vendre. Dès que ce sera fait, nous reprendrons sans tourner la tête le chemin de Chilcoot, de Vancouver et de Montréal. « Je vous souhaite, messieurs, un heureux voyage, » répondit le commissaire en prenant congé des deux cousins. « Si je puis vous être utile, vous pouvez compter sur moi. » Le lendemain, la carriole se remit en route. Le ciel était moins beau que la veille. Avec le vent du nord-ouest, s'abattirent quelques violentes rafales, mais à l'abri de la capote, les deux cousins n'eurent pas trop à en souffrir. Neluto n'aurait pu exiger de son cheval une allure rapide. Le sol devenait très caoteux. Les ornières, vidées de la glace qui les comblait depuis de longs mois, causait des chocs redoutables pour les véhicules et pour son attelage. La région était forestière, toujours des pins, des bouleaux, des peupliers et des trembles. Le bois ne manquerait pas de longtemps aux mineurs, tant pour leur usage personnel que pour l'exploitation des claims. D'ailleurs, si le sol de cette partie du district renferme de l'or, il renferme aussi du charbon. À 6 kilomètres de Fort Kedari, sur le Cold Creek, puis à 13 000 de là, sur le Clive Creek, puis encore à 19 kilomètres plus loin, sur le Flat Creek, on a découvert des gisements d'une houille excellente, qui ne donne pas un résidu de cendre supérieur à 5%. On en avait déjà trouvé auparavant dans le bassin du Five Fingers, et cette houille remplacera avantageusement le bois, dont les steamers de moyenne force brûlent une tonne par heure. Il peut y avoir là, pour le district, une chance de survie lorsque les mines d'or seront épuisées. Le soir de cette journée, à la fin de la seconde étape qui avait été très fatigante, Neluto et ses compagnons atteignirent Fort Kudai, sur la rive gauche du Yukon. Une sorte d'auberge leur fut indiquée, sinon recommandée, par le chef du détachement de la police à cheval. Peut-être l'estimerait-il préférable à leur tente. Ce renseignement obtenu, Sameskim, voulant en obtenir un autre sur un point qui décidément le préoccupait, se mit en devoir d'interviewer le chef de police. Le chef de police n'aurait-il pas vu une femme passer par Fort Kudai ces jours derniers ? « Si j'ai vu une femme passer par ici !» s'écria le lieutenant en riant de tout son cœur. « Non, monsieur, je n'ai pas vu une femme, mais bien des dizaines et des centaines. Beaucoup de mineurs traînent toute une smala avec eux, et vous devez comprendre que dans le nombre... »« Oh !» protesta Sammy. « Celle dont je parle est tellement particulière. C'est une prospectrice, lieutenant, et je ne crois pas que les prospectrices se comptent à la douzaine. Détrompez-vous, » affirma le lieutenant. « Il n'en manque pas. » Les femmes sont aussi enragées que les hommes dans la chasse aux pépites. « Ah bah !» fit Sammy. « Dans ce cas, je comprends. On peut tout de même essayer, » reprit le lieutenant. « Si vous voulez me donner le signalement de la personne qui vous intéresse. » « C'est une toute jeune fille, » expliqua Sammy. « 22 ans à peine. » Elle est petite, très brune et très jolie. En effet, concéda le lieutenant, un tel signalement n'est pas ordinaire dans nos parages. Vous dites, une jeune fille, brune, petite, jolie, qui serait récemment passée par ici. Le chef de police cherchait vainement dans ses souvenirs. Non, je ne vois rien, déclara-t-il enfin. Elle aura pris une autre route, la pauvre petite, dit Sammy tristement. Merci tout de même, lieutenant. La nuit s'écoula tant bien que mal, et le lendemain, 10 juin, la carriole se remit en route de grand matin. En sortant de Fort Kudai, le Yukon continue à remonter vers le nord-ouest, jusqu'au point où il coupe le 141e méridien, tel qu'il se dessinait alors sur les cartes. Quant au 40 Miles Creek, long de 40 milles, ainsi que son nom l'indique, il oblique en amont vers le sud-ouest et se dirige lui aussi du côté de la frontière qui le divise en deux parties sensiblement égales. Neluto comptait atteindre dans la soirée l'emplacement occupé par le claim de Josias Lacoste. Il avait fait donner en pleuration au cheval que ses 2 jours de marche ne semblaient pas avoir trop fatigué. Il fallait un coup de collier, on l'obtiendrait, et d'ailleurs le vigoureux animal aurait ensuite tout le temps de se reposer au claim 129. À 3 heures du matin, au moment où Ben Radel et Sam Eskim quittèrent l'auberge, le soleil était assez haut. Dans une dizaine de jours, ce sera le solstice, et c'est à peine s'il disparaîtrait alors quelques instants sous l'horizon. La carriole suivait la rive droite de Forty Miles Creek, rive très sinueuse, parfois encaissée de collines qui séparaient des gorges profondes. Le pays n'était aucunement désert. De tous côtés, on travaillait dans les claims. À chaque tournant des berges, à l'ouverture des ravins, se dressaient les poteaux qui limitaient les placeurs, dont le numéro apparaissait en gros chiffres. Le matériel n'y était guère compliqué. De rares machines mues à bras d'homme, moins encore actionnés par la dérivation d'un creek. La plupart des prospecteurs, aidés parfois par un petit nombre d'ouvriers, retiraient la boue de puits creusés sur le claim et travaillaient au plat ou à l'écuelle. Tout cela se fut fait presque sans bruit, si de temps à autre le silence n'eût été troublé par les cris de joie d'un mineur découvrant une pépite de valeur. La première halte dura de 10 heures à midi. Pendant que le cheval paissait dans une prairie voisine, Ben Radel et Sameskim purent fumer leur pipe, après un déjeuner de conserve et de biscuits que terminèrent des tasses de café. Neluto repartit un peu avant midi et poussa vivement son attelage. Quelques minutes avant 7 heures, on aperçut, à faible distance, les poteaux du claim 129. À ce moment, Sameskim, saisissant brusquement les guides dans les mains de Neluto, se mit debout dans la carriole qui s'arrêta. « Là !» dit-il en montrant du geste un long et profond ravin qui descendait en pentraide jusqu'au lit du creek. Les 2 compagnons suivirent du regard la direction indiquée, et tout au bas du ravin, ils aperçurent, rendus un peu confuses par l'éloignement, une silhouette évoquant pour eux quelque chose de déjà vu. C'était un prospecteur, de petite taille autant qu'on pouvait en juger à cette distance, en train de laver les sables d'un puits. Un autre homme, un véritable géant, celui-là, travaillait à côté de lui. Ils étaient si absorbés par leur besogne qu'ils ne l'avaient même pas interrompu au moment où la carriole avait fait halte sur la route. « On dirait vraiment, » murmura Sammy. Quoi ? Demanda Ben Radle impatienté. Mais, Dieu me pardonne, Jane Edgerton, Ben ! Ben Radle haussa les épaules. Tu vas en rêver maintenant ? Comment pourrais-tu reconnaître quelqu'un de si loin ? D'ailleurs, Jane Edgerton n'avait pas de compagnon que je sache. Et même, qu'est-ce qui te fait croire que l'un de ses prospecteurs soit une femme ? Je ne sais, répondit Sammy en hésitant. Il me semble. Pour moi, ce sont deux mineurs, le père et le fils. Aucun doute à cela. Tiens, demande plutôt à Neluto. L'Indien plaça la main en abat-jour devant ses yeux. C'est une femme, affirma-t-il catégoriquement, après un examen prolongé. Tu vois bien ? S'écria Sammy triomphant. Ou un homme ? Continua Neluto avec une égale autorité. Sammy découragé lâcha les guides et la carriole se remit en marche. Neluto continua le cours de ses réflexions. Il n'y aurait rien d'étonnant si c'était un enfant. Une jeune fille, par exemple, suggéra-t-il. La carriole avançait de nouveau rapidement. Bientôt, en ayant franchi la limite, elle s'arrêtait sur le terrain du claim 129. Ou peut-être bien un jeune garçon, prononça alors Neluto, dans son souci méritoire de ne négliger aucune hypothèse. Ni Ben Radle, ni Sammy Skim ne l'entendirent. Chacun de son côté, il sentait au même instant à bas de la voiture, et après 2 mois et 9 jours de voyage, foulait enfin le sol du claim 129.